spleen. Pluviose, irritée contre la ville entière, de son urne à grand flot verse un froid ténébreux aux pâles habitants du voisin cimetière et la mortalité sur les faubourgs brumeux. Mon chat, sur le carreau cherchant une litière, agite sans repos son corps maigre et galeux. L'âme d'un vieux poète erre dans la gouttière avec la triste voix d'un fantôme frileux. Le bourdon se lamente et la bûche enfumée accompagne en fossé la pendule enrhumée, cependant qu'en un jeu plein de sales parfums, héritage fatal d'une vieille hydropique, le beau valet de cœur et la dame de pique causent sinistrement de leurs amours défunts.